pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de football. On sait qu'à toutes les semaines, on a une chronique avec les joueurs de football du Haut-du-Lac qui s'alignent avec soit avec les Gaillards de Jonquière, les Couillards de Chicoutimi ou les Géants d'Allemagne. Et question de savoir un peu, aujourd'hui, on va parler avec Antoine Routier qui s'aligne avec les Gaillards de Jonquière pour savoir un peu comment il trouve son année. On lui parle. Salut Antoine. Bonjour Monsieur Veilleux. Antoine, si on parlait un peu de toi, comment ça fait le temps que tu joues avec les Gaillards? Ça va être ma quatrième et dernière saison avec les Gaillards. OK. Comment tu trouves l'année? Est-ce que ça fait quoi quand même, quatrième année? Vous avez vécu des belles affaires, vous avez vécu des belles choses. Comment tu as trouvé ça, là? Je veux dire que c'est ta dernière saison. Ça doit faire de quoi pareil? Ben, c'est sûr qu'on approche la saison d'une autre façon, sachant que c'est la dernière. OK. Mais toujours, ça reste le football. Là. On prend les games de la même façon, puis on s'entraîne de la même façon. Puis je pense que les recrues sont bien entrées dans le moule, là, puis qu'on reste une bonne équipe quand même. OK. Ta quatrième année, tu trouves-tu que le football s'améliore au fur et à mesure? Ça fait quand même 4 ans, tu es quand même capable d'avoir une évolution. Est-ce que tu as trouvé que le football s'améliore? Oui, je trouve que le football s'améliore, puis c'est un changement continu, là, autant au niveau des blessures qu'au niveau cahier de jeu ou rapidité ou entraînement. C'est tout le temps en évolution, puis je pense qu'on s'en va du bon côté avec les Gaillards. OK. Parle-moi de toi. T'es en quel domaine au niveau études? J'ai fini mes sciences de la nature l'an dernier. OK. J'ai décidé d'aller à l'université en génie industriel. Puis par mon choix d'arrêter de football, j'ai pris des cours de technique en génie industriel pour une dernière session pour pouvoir me donner la chance de rejoindre une quatrième année. OK. Donc là, t'arrêtes de football, c'est ça? Oui. OK. Donc, est-ce que tu avais été courtisé par une équipe universitaire? Parce qu'on dit que tu es un des piliers, tu es un leader de l'équipe. Est-ce que c'était quelque chose? Est-ce que tu as été courtisé? J'ai parlé avec Sherbrooke et Bishop plus particulièrement. OK. Puis c'est pas quelque chose qui t'aurait tenté? Ben, je vous dirais que Bishop m'intéressait beaucoup, mais malheureusement, il n'y avait pas de domaine d'études qui me permettait d'avancer. Fait que ça peut être un petit moins à ce côté-là. OK. Puis sinon, à Sherbrooke, c'était des parlers qui étaient moins intéressants pour moi. Là. Puis je voulais beaucoup me consacrer à mes études, fait que j'ai fait le choix de me donner une quatrième année à Jonquière. OK. Si on parlait maintenant de la saison, est-ce que tu trouves que les Gaillards cette année, ils vont pour une deuxième année au Bol d'Or? Est-ce que tu trouves que la compétition est plus féroce encore cette année? Certainement qu'on attend les champions avec une brique point finale. Oui, c'est sûr qu'on est plus attendu étant les champions de l'an dernier, mais je crois vraiment que c'est de la même façon qu'on va se rendre le plus loin qu'on peut. Comme l'année dernière, on a fait, c'est-à-dire match par match. Se concentrer sur chaque petite victoire, là, c'est ça qui va nous mener jusqu'au bout. Là. Puis je crois qu'on est capable d'y aller. Trouves-tu que l'équipe est meilleure que l'an passé? Je serais pas prêt à dire ça, puis je serais pas prêt à dire que je serais moins bon que l'an passé. On a des attitudes qui sont différentes. Okay. C'est sûr qu'on a peut-être pas les mêmes forces, mais on peut convaincre par ailleurs. On a trois hangbacks qui se complètent parfaitement, là, puis c'est beau de les voir travailler, dont Jordan Fortin qui vient de voir. Ah, regarde, c'est Jordan, là, j'entends que des liens 170 verges au sol la semaine passée, là, c'est quelque chose, là. Oui, c'est très, très bon. OK. Certainement qu'avec trois, ce que j'ai pu voir, c'est que vous avez trois porteurs de ballon, hein. C'est un monstre à trois têtes, comme dirait Pierre Vercheval. Il y en a un qui est plus de finesse, l'autre est plus de puissance, c'est quoi? Ben, je vous dirais que les trois sont très bons. J'aurais de la difficulté à vous dire le point fort, le point faible, mais je donnerais facilement la balle à chacun d'eux, à chaque jeu, j'aurais aucun problème. Ok, ok. Si toi, tu viens de où, toi? Moi, je viens de Robertval. Ok, ok, donc, temps Robertval, il y a beaucoup de... C'est quasiment une équipe du Haut-du-Lac. Quand je regarde ça, il y a 10 joueurs qui viennent du Haut-du-Lac. Hein. C'est quand même quelque chose, là. Oui, c'est une belle représentation, effectivement. OK. Antoine, si on parlait de maintenant de la suite des choses, l'objectif, votre victoire en fin de semaine, ça a été une victoire éclatante. Vous avez maintenant le premier rang. Jusqu'à quel point c'est important d'avoir le premier rang de votre division? Bien, c'est sûr que d'avoir le premier rang de la division, ça me donne le quart de finale à domicile. Puis suite à une victoire, ça me donnerait la demi-finale à domicile également. OK. C'est sûr que c'est plus avantageux pour un joueur. Ben moi, personnellement, je préfère jouer à domicile. T'as des partisans qui viennent te voir, c'est plus facile pour la famille, t'as pas le voyage de bus. Puis j'imagine que côté administratif, ça se trouve des frais à l'équipe. OK, ben la foule aussi, hein? Mais c'est un peu ça, les avantages. Là. La foule aussi, là? Oui, effectivement. OK, OK. Et c'est assez important dans Jonquière, normalement. C'est agréable de jouer à leur compagnie. Oui, effectivement. Une finale de division contre Chicoutimi serait agréable, ça, hein? Une finale de division, vous visez le dernier match de la semaine. Ouais, c'est ça. Un quart de finale contre Chicoutimi, ce serait agréable. Ça, une rivalité comme comme Chicoutimi-Jonquière, c'est un peu comme Canadien-Nordique, Yankees-Red Sox. Ben, certainement que ce serait agréable, mais ça vient un peu au long d'un jouer deux fois contre la même équipe. Moi, personnellement, j'aime mieux changer. Okay. Comme là, on finirait notre huitième match de saison régulière contre Chicoutimi. Puis si on reprendrait le quart de finale contre Chicoutimi, ce serait deux matchs back-to-back. Ouais, ça m'intéresse moins un peu que monter une équipe différente. Ben Antoine, je vais te souhaiter la meilleure des chances. Bonne décision d'avoir consacré le temps à ses études. Puis peut-être qu'on va avoir le plaisir de se reparler. Parfait, merci beaucoup. Il s'aligne pour les Gaillards de Jonquière, Antoine Routier.